Job chapitre 33. C'est pourquoi, Job, écoute, je te prie, mon discours, et prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici maintenant, j'ouvre ma bouche, ma langue parle dans mon palais. Mes paroles répondront à la droiture de mon cœur, et mes lèvres prononceront une doctrine pure. L'Esprit du Dieu fort m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Si tu peux, réponds-moi, dresse-toi contre moi, demeure ferme. Voici, je suis pour le Dieu fort, selon que tu en as parlé, j'ai aussi été formé de la terre tout comme toi. Voici, ma frayeur ne te troublera point, et ma main ne s'appesantira point sur toi. Quoi qu'il en soit, tu as dit, moi l'entendant, et j'ai ouï la voix de tes discours, disant, je suis pur, et sans péché, je suis net, et il n'y a point d'iniquité en moi. Voici, il a cherché à rompre avec moi, il me tient pour son ennemi. Il a mis mes pieds au cèpe, il épie tous mes chemins. Voici, je te réponds qu'en cela tu n'as pas été juste, car Dieu sera toujours plus grand que l'homme mortel. Pourquoi donc as-tu plaidé contre lui? Car il ne rend pas compte de toutes ses actions. Bien que le Dieu fort parle une première fois, et une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première. Par des songes, par des visions de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, et lorsqu'ils dorment dans le lit. Alors il ouvre l'oreille aux hommes, et scelle leur châtiment, afin de détourner l'homme d'une mauvaise action, et de rabaisser la fierté de l'homme. Ainsi il garantit son âme de la fosse, et sa vie, de l'épée. L'homme est aussi châtié par des douleurs dans son lit, et tous ses os sont brisés. Alors sa vie lui fait avoir en horreur le pain, et son âme la viande désirable. Sa chair est tellement consumée, qu'elle ne paraît plus, et ses os sont tellement brisés, qu'on n'y connaît plus rien. Son âme approche de la fosse, et sa vie des choses qui font mourir. Que s'il y a pour cet homme-là un messager qui parle pour lui, un d'entre mille, qui manifeste à cet homme son devoir. Alors Dieu aura pitié de lui, et il dira, garant-il, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé la propitiation. Sa chair deviendra plus délicate qu'elle n'était dans son enfance, et il sera rajeuni. Il fléchira Dieu par ses prières, et Dieu s'apaisera envers lui, et lui fera voir sa face avec joie, et lui rendra sa justice. Il regardera vers les hommes, et dira, j'avais péché, j'avais renversé le droit, et cela ne m'avait point profité. Mais Dieu a garanti mon âme, afin qu'elle ne passât point par la fosse, et ma vie voit la lumière. Voilà, le Dieu fort fait toutes ces choses, deux et trois fois envers l'homme. Pour retirer son âme de la fosse, afin qu'elle soit éclairée de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et je parlerai. Et si tu as de quoi parler, réponds-moi, parle, car je désire de te justifier. Sinon, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse.